qu'avec Coralie. Il faisait très chaud ce jour-là, c'était un mardi. En entrant j'ai dit bonjour et on m'a dit bonjour. Puis moi j'ai commandé un chiche kebab, viande, sauce, salade, seulement les légumes je les digère mal. Et Coralie a commandé un supplément frites. Mais quand j'ai commencé à déguster mon repas, après avoir bien discuté avec Coralie, il y eut un blocage, j'ai dû reposer mon sandwich. Cette fille à la table d'à côté était si sublime, plus belle qu'une cassette des Charlots ou qu'un livre de Nietzsche. Je voyais même sa beauté dans la sauce de mon sandwich. Elle avait de vrais yeux de chat et ils étaient verts. Dans ses faritas, j'ai senti que son cœur était ouvert. Elle avait un bandeau dans ses cheveux bruns et lisses, un pantalon moulant, un air suffisant, et puis des yeux verrons comme dans la chanson pour Anaïs. Moi j'aurais tant aimé l'inviter à prendre un verre, mais je suis devenu triste et j'ai fini mon kebab, plus par timidité que par réel appétit. Quand j'y repense aujourd'hui, j'ai envie de mourir. Il y eut un blocage, j'ai dû reposer mon sandwich. Cette fille à la table d'à côté était si sublime, plus belle qu'une cassette des Charlots ou qu'un livre de Nietzsche. Je voyais même sa beauté dans la sauce de mon sandwich. Dans le fond, toujours pareil, je souffre dans ma solitude. Comme me l'a dit Lucas Taïeb, j'ai des envies d'adultère que je ne résous pas et je pleure dans ma chambre. J'aurais aimé me faire cette fille, mais tant pis, il y eut un blocage, j'ai dû reposer mon sandwich. Et nous sommes en été et il fait très chaud, je ne peux plus ouvrir ma fenêtre à cause des araignées qui me font peur, et je n'ose plus aller au restaurant turc avec Coralie, de peur de te revoir ou de penser à toi et pleurer sur les frites. Je n'ai pas envie, non. Je t'aime, malgré tout, je t'aime, et je t'oublierai jamais dans la sauce de mon sandwich.